dit Porthos. J'étais au Louvre le jour où il a semé ses perles, et pardieu, j'en ai ramassé deux que j'ai bien vendu 10 pistoles pièces. Et vous, Aramis, le connaissez-vous ? Aussi bien que vous, messieurs, car j'étais de ceux qui l'ont arrêté dans le jardin d'Amiens, où m'avait introduit M. de Putange, l'écuyer de la reine. J'étais au séminaire à cette époque, et l'aventure me parut cruelle pour le roi. Ce qui ne m'empêcherait pas, dit D'Artagnan, si je savais où est le duc de Buckingham, de le prendre par la main et de le conduire près de la reine, ne fût-ce que pour faire enrager monsieur le cardinal. Car notre véritable, notre seul éternel ennemi, messieurs, c'est le cardinal. Et si nous pouvions en trouver moyen de lui jouer quelque tour bien cruel, j'avoue que j'y engagerais volontiers ma tête. Et, reprit Athos, le mercier vous a dit, D'Artagnan, que la reine pensait qu'on avait fait venir le Buckingham sur un faux avis. Elle en a peur. Attendez donc, dit Aramis. Quoi ? Demanda Porthos. Allez toujours, je cherche à me rappeler des circonstances. Et maintenant je suis convaincu, dit D'Artagnan, que l'enlèvement de cette femme de la reine se rattache aux événements dont nous parlons, et peut-être à la présence de M. Buckingham à Paris. Le Gascon est plein d'idées, dit Porthos avec admiration. J'aime beaucoup l'entendre parler, dit Athos. Son patois m'amuse. Messieurs, reprit Aramis, écoutez ceci. Écoutons, Aramis, dirent les trois amis. Hier, je me trouvais chez un savant docteur en théologie que je consulte quelquefois pour mes études. Athos sourit. Il habite un quartier désert, continua Aramis. Ses goûts, sa profession l'exigent. Or, au moment où je sortais de chez lui, ici Aramis s'arrêta. Eh bien, demandèrent ses auditeurs, au moment où vous sortiez de chez lui. Aramis parut faire un effort sur lui-même, comme un homme qui, en plein courant de mensonges, se voit arrêté par quelque obstacle imprévu. Mais les yeux de ses trois compagnons étaient fixés sur lui, leurs oreilles attendaient béantes, il n'y avait pas moyen de reculer. « Ce docteur a une nièce, » continua Aramis. « Ah, il a une nièce, » interrompit Porthos. « Dame fort respectable, » dit Aramis. Les trois amis se mirent à rire. « Ah, si vous riez ou si vous doutez, » reprit Aramis, « vous ne saurez rien. » « Nous sommes croyants comme des mahométistes et muets comme des catafalques, » dit Athos. « Je continue donc, » reprit Aramis. Cette nièce vient quelquefois voir son oncle. Or, elle s'y trouvait hier en même temps que moi, par hasard, et je dus m'offrir pour la conduire à son carrosse. « Ah, elle a un carrosse, la nièce du docteur, » interrompit Porthos, dont un des défauts était une grande incontinence de langue. « Belle connaissance, mon ami !»« Porthos, » reprit Aramis, « je vous ai déjà fait observer plus d'une fois que vous êtes fort indiscret, et que cela vous nuit près des femmes. « Messieurs, messieurs !» s'écria D'Artagnan, qui entrevoyait le fond de l'aventure. « La chose est sérieuse. Tâchons donc de ne pas plaisanter si nous pouvons... Allez, Aramis, allez !» Tout à coup, un homme grand, brun, aux manières de gentilhomme, « Tenez, dans le genre du vôtre, D'Artagnan. »« Le même, peut-être ? » dit celui-ci. « C'est possible. » continua Aramis, s'approcha de moi, accompagné de 5 ou 6 hommes qui le suivaient à 10 pas en arrière, et du ton le plus poli. « Monsieur le duc, » me dit-il. « Et vous, madame » continua-t-il en s'adressant à la dame que j'avais sous le bras, à la nièce du docteur. « Silence, Porthos !» dit Athos. « Vous êtes insupportable. Veuillez monter dans ce carrosse, et cela sans essayer de la moindre résistance, sans faire le moindre bruit. » « Il vous avait pris pour Buckingham ?» dit D'Artagnan. « Je le crois, » répondit Aramis. « Mais cette dame ?» demanda Porthos. « Il l'avait prise pour la reine, » dit D'Artagnan. « Justement, » répondit Aramis. « Le Gascon est le diable, » s'écria Athos. « Rien ne lui échappe. » « Le fait est, » dit Porthos, « qu'Aramis est de la taille et a quelque chose de la tournure du beau-duc. Mais cependant, il me semble que l'habit des mousquetaires... « J'avais un manteau énorme, » dit Aramis. « Au mois de juillet, diable !» fit Porthos. « Est-ce que le docteur craint que tu ne sois reconnu ?»« Je comprends encore, » dit Athos, « que l'espion se soit laissé prendre par la tournure, mais le visage... » « J'avais un grand chapeau, » dit Aramis. « Oh mon Dieu !» s'écria Porthos. « Que de précautions pour étudier la théologie !»« Messieurs, messieurs !» dit D'Artagnan. « Ne perdons pas de temps à badiner, éparpillons-nous et cherchons la femme du mercier, c'est la clé de l'intrigue !»« Une femme de condition si inférieure, vous croyez, D'Artagnan ?» fit Porthos en allongeant les lèvres avec mépris. « C'est la filleule de Laporte, le valet de confiance de la reine. Ne vous l'avais-je pas dit, messieurs? Et d'ailleurs, c'est peut-être un calcul de Sa Majesté d'avoir été cette fois chercher ses appuis si bas. Les hautes têtes se voient de loin, et le cardinal a bonne vue. Eh bien, dit Porthos, faites d'abord prix avec le mercier, et bon prix. C'est inutile, dit D'Artagnan, car je crois que s'il ne nous paye pas, nous serons assez payés d'un autre côté. En ce moment, un bruit précipité de pas retentit dans l'escalier, la porte s'ouvrit avec fracas, et le malheureux mercier s'élança dans la chambre où se tenait le conseil. « Ah, messieurs, sauvez-moi, au nom du ciel, sauvez-moi. Il y a quatre hommes qui viennent pour m'arrêter, sauvez-moi, sauvez-moi. » Porthos et Aramis se levèrent. « Un moment, » s'écria D'Artagnan, en leur faisant signe de repousser au fourreau leurs épées à demi tirées. « Un moment, ce n'est pas du courage qu'il faut ici, c'est de la prudence. » « Cependant, s'écria Porthos, nous ne laisserons pas. »« Vous laisserez faire, D'Artagnan, » dit Athos. « C'est, je le répète, la forte tête de nous tous, et moi, pour mon compte, je déclare que je lui obéis. Fais ce que tu voudras, D'Artagnan. » En ce moment, les quatre gardes apparurent à la porte de l'antichambre, et voyant quatre mousquetaires debout et l'épée au côté, hésitèrent à aller plus loin. « Entrez, messieurs, entrez !» cria D'Artagnan. « Vous êtes ici chez moi, et nous sommes tous de fidèles serviteurs du roi et de monsieur le cardinal. » « Alors, messieurs, vous ne vous opposerez pas à ce que nous exécutions les ordres que nous avons reçus ?» demanda celui qui paraissait le chef de l'escouade. « Au contraire, messieurs, et nous vous prêterons main forte si besoin était. » « Mais que dit-il donc ? » marmotta Porthos. « Tu es un niais, » dit Athos. « Silence !»« Mais vous m'avez promis, » dit tout bas le pauvre mercier. « Nous ne pouvons vous sauver qu'en restant libres, » répondit rapidement et tout bas D'Artagnan. « Et si nous faisons mine de vous défendre, on nous arrête avec vous. » « Il me semble cependant... »« Venez, messieurs, venez !» dit tout haut D'Artagnan. « Je n'ai aucun motif de défendre monsieur. Je l'ai vu aujourd'hui pour la première fois et encore, à quelle occasion, il vous le dira lui-même, pour me venir réclamer le prix de mon loyer. Est-ce vrai, monsieur Bonacieux ? Répondez. « C'est la vérité pure, » s'écria le mercier. « Mais monsieur ne vous dit pas... »« Silence sur moi, silence sur mes amis, silence sur la reine, surtout !» Ou vous perdriez tout le monde sans vous sauver. Allez, allez, messieurs, emmenez cet homme. » Et D'Artagnan poussa le mercier tout étourdi aux mains des gardes en lui disant « Vous êtes un maraud, mon cher. Vous venez me demander de l'argent à moi, à un mousquetaire. En prison, messieurs. Emmenez-le en prison. Et garde-le sous clé le plus longtemps possible. Cela me donnera du temps pour payer. » Les sbires se confondirent en remerciements et emmenèrent leur proie. Au moment où il descendait, D'Artagnan frappa sur l'épaule du chef. « Ne boirai-je pas votre santé et vous la mienne » dit-il en remplissant deux verres du vin de Beaugency qu'il tenait de la libéralité de M. Bonacieux. « Ce sera bien de l'honneur pour moi, » dit le chef des sbires, « et j'accepte avec reconnaissance. Donc, à la vôtre, messieurs. Comment vous nommez-vous » « Boisrenard. Monsieur Boisrenard. » « À la vôtre, mon gentilhomme. Comment vous nommez-vous à votre tour, s'il vous plaît ?» D'Artagnan. « À la vôtre, monsieur D'Artagnan. »« Et par-dessus toutes celles-là, » s'écria D'Artagnan, comme emporté par son enthousiasme, « à celle du roi et du cardinal. » Le chef des sbires eut peut-être douté de la sincérité de D'Artagnan si le vin eût été mauvais, mais le vin était bon et il fut convaincu. « Mais quel diable de vilenie avez-vous donc faite là ?» dit Porthos, lorsque l'alguazil en chef eut rejoint ses compagnons et que les quatre amis se retrouvèrent seuls. « Fis donc, quatre mousquetaires laissés arrêter au milieu d'eux un malheureux qui crie à l'aide, un gentilhomme trinqué avec un recors. »« Porthos, » dit Aramis, « Athos t'a déjà prévenu que tu étais un niais, et je me range de son avis. D'Artagnan, tu es un grand homme, et quand tu seras à la place de M. de Tréville, je te demande ta protection pour me faire avoir une abbaye. »« Ah ça, je m'y perds, » dit Porthos. « Vous approuvez ce que D'Artagnan vient de faire ?»« Je le crois par Dieu bien. » dit Athos, non seulement j'approuve ce qu'il vient de faire, mais encore je l'en félicite. Et maintenant, messieurs, dit D'Artagnan, sans se donner la peine d'expliquer sa conduite à Porthos, tous pour un pour tous, c'est notre devise, n'est-ce pas? Cependant, dit Porthos, étends la main et jure! S'écrièrent à la fois Athos et Aramis. Vaincus par l'exemple, maugréant tout bas, Porthos étendit la main, et les quatre amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par D'Artagnan. Tous pour un, « un pour tous. »« C'est bien. Que chacun se retire maintenant chez soi, » dit D'Artagnan, comme s'il n'avait fait autre chose que de commander toute sa vie. « Et attention, car à partir de ce moment,